Chapitre 5. Telle fut la première nuit que je passai en société des chasseurs de phoques. Ce fut aussi la dernière. Le lendemain, Johansen, le nouveau second, fut vivement envoyé au poste d'arrière où il prit ma place. Je fus invité à déménager et à transporter mes pénates dans une cabine étroite que deux matelots occupaient déjà. Les raisons de la décision prise par Lou Larsen furent bientôt connues et suscitèrent des grognements véhéments parmi les chasseurs de phoques. Si Johansen leur avait ainsi été expédié, c'est qu'il avait la fâcheuse habitude de parler tout haut pendant son sommeil et de revivre tous les actes accomplis par lui au cours de la journée précédente. Son incessant caquetage, ses cris, les ordres qu'il beuglait, avaient exaspéré Lou Larsen, qui s'était hâté de se débarrasser de lui. Après la nuit d'insomnie que j'avais passée, je me levai, faible et souffrant cruellement, pour tirer ma seconde journée sur le fantôme. À 5h30, Thomas Mugridge était venu me virer de ma couchette, en y mettant autant d'aménité que Bill Sikes lorsqu'il secouait les puces de son chien. Mais son manque de savoir-vivre lui fut payé avec usure. Le tapage inutile, je n'avais pas fermé l'œil de la nuit, auquel il se livra, réveilla un des chasseurs de phoques. J'entendis dans la pénombre un énorme soulier fendre l'air en direction du coq. Il poussa un cri de douleur, puis demanda à tous humblement pardon. Lorsque je me retrouvai avec lui dans la cuisine, je remarquai que son oreille était enflée et meurtrie. Elle ne revint jamais à son état normal, et tout le monde à bord l'appela dorénavant « oreille en chou-fleur ». Un tas d'événements pitoyables s'abattirent sur moi. Étant tout d'abord rentré en possession de mes vêtements, qui avaient fini de sécher devant le fourneau de la cuisine, je voulus immédiatement les échanger contre les hardes dont j'étais affublé. Dans ma poche, je cherchais mon porte-monnaie. En plus d'une certaine quantité de petites monnaies qu'il contenait, j'en avais le souvenir très net, 185 $ en pièces d'or et en billets. Je trouvai la bourse, mais à l'exception de quelques piécettes d'argent, tout le contenu en avait été subtilisé. J'en fis l'observation au coq. Je comptais bien sur une réponse, mais je ne m'attendais pas à être traité comme je le fus. « Dis donc, Hump !» commença-t-il avec un mauvais regard et un grognement rauque. « Pour qui tu me prends ? Si tu veux que je te casse la figure, faut le dire. Alors, tu t'imagines que je suis un voleur ? Fais gaffe à toi, sinon c'est moi qui t'apprendrai à vivre. Comment ? Tu nous tombes sur les bras, je te prends avec moi dans ma cuisine, je te réconforte et te dorlote. Voilà ma récompense. Une autre fois, tu pourras bien aller au fond de l'eau. Et en attendant, j'ai envie de te flanquer et me dérouiller. » Là-dessus, il se mit en garde et fonça vers moi. Je dois avouer à ma honte que j'esquivai son attaque et pris précipitamment la fuite. Pouvais-je agir autrement ? La force seule régnait sur ce vaisseau de brutes. À quoi m'aurait-il servi de ne pas céder devant elle ? Étant donné ma nature moyenne et mon manque d'entraînement physique, affronter les bêtes humaines qui m'entouraient était aussi déraisonnable que de me ruer contre les cornes d'un taureau furieux. Voilà ce que je me répétais pour me disculper à mes yeux de ma peu vaillante conduite. Au point de vue de la pure logique, mon raisonnement était irréfutable et juste. Et pourtant, j'avais honte d'agir ainsi. Aujourd'hui encore, je rougis à ce pénible souvenir. Car il est indéniable que j'ai pâti cruellement dans ma dignité d'homme. Mais je reviens à mon histoire. Ma hâte de fuir avait été telle que mon genou flancha sous l'effort et que je m'écroulai sur le pont. Pourtant le coq ne m'avait pas poursuivi et ce fut de l'apport de sa cuisine que je l'entendis qui me criait. « Regardez-le courir avec sa jambe empâtée de foie !» « Allons, reviens, mon pauvre mignon, reviens, n'aie pas peur, je ne te battrai pas, c'est promis. » Je revins vers la cuisine et poursuivis mon travail, et ce premier épisode de la journée prit fin. D'autres tribulations m'étaient réservées. Je dressai donc la table dans le carré, et à 7 heures j'apportai leur petit déjeuner à Lou Larsen, à son second et au chasseur de phoques. Durant la nuit, la tempête s'était notablement apaisée, mais la mer restait houleuse et le vent assez violent. Dès le matin, les hommes de cœur avaient donné de la toile et mis toute voile dehors, à l'exception des deux flèches et du clin phoque, qui ne devait être largué qu'au cours de l'après-midi. Je pus comprendre que Lou Larsen, au prix d'un léger coup vers le sud-ouest, avait hâte de rencontrer, dans la région des tropiques, des vents alizés qui nous prendraient par le travers et dont la régularité nous ramènerait vers le nord, dans la direction du Japon. Le petit déjeuner terminé, une nouvelle mésaventure m'arriva. La vaisselle lavée, je vidai le fourneau de la cuisine et montai les cendres sur le pont afin de les jeter à la mer. Lou Larsen et Anderson causaient ensemble près de la barre que tenait Johnson. Comme je me dirigeais vers la lisse, je vis un matelot me faire un signe de la tête que je pris à tort pour un bonjour. Il voulait en fait m'avertir de jeter les cendres sous le vent. Sans me rendre compte de la bêtise que j'allais commettre, je passai près de Lou Larsen et du chasseur de phoques et vidai ma caisse contre le vent. Les cendres furent aussitôt violemment rabattues non seulement sur moi, mais sur Anderson et Lou Larsen. L'instant d'après, je recevais, comme le dernier des chiens galeux, un formidable coup de pied dans le derrière. Je n'aurais jamais cru qu'un coup de pied puisse faire aussi mal. J'en chavirais et m'effondrais sur le pont. Tout tournait autour de moi. Quant à Lou Larsen, l'opération terminée, il ne me prêta plus aucune attention. Il se contenta de secouer les cendres accrochées à ses vêtements et reprit la conversation interrompue avec Anderson. Johnson, qui avait suivi des yeux toute l'affaire, envoya 2 matelots nettoyer le pont. Un peu plus tard, dans la matinée, j'éprouvai une autre surprise d'un ordre différent. Suivant les instructions du coq, j'étais occupé à balayer et à épousseter la cabine de Lou Larsen et à faire son lit. Contre la cloison, à la tête de la couchette, pendait un filet garni de livres. Curieux de connaître les lectures du capitaine, je les examinai. Quel ne fut pas mon étonnement d'y voir parmi les noms d'auteurs, ceux de Shakespeare, de Tennyson, d'Edgar Poe et de Quincy. Il y avait aussi des ouvrages scientifiques, signés de noms connus, traitant notamment d'astronomie et de physique, une histoire de la littérature américaine et de la littérature anglaise et des grammaires. Je ne pouvais, dans mon esprit, associer raisonnablement ces volumes à l'homme qu'était Lou Larsen, et je me demandais s'il était vraiment capable de les lire. Mais quand j'allais faire le lit, je trouvais entre les couvertures, où il l'avait glissé avant de s'endormir, une édition complète de Robert Browning. Le livre était resté ouvert à l'ode intitulée « Sur un balcon » et je remarquais ça et là des passages soulignés au crayon. Bien plus, à la suite d'une oscillation du bateau, le volume me glissa des mains, une feuille de papier s'en échappa, elle était couverte de figures de géométrie et de calculs algébriques. Il paraissait donc évident que Lou Larsen, cet homme redoutable, n'était pas un ignorant et une simple brute comme on aurait pu le déduire par ses excès de violence. Deux natures étaient accouplées en lui en une association déconcertante. J'avais d'ailleurs remarqué déjà la correction presque parfaite de son langage. Évidemment, lorsqu'il parlait à ses matelots ou aux chasseurs de phoques, il s'exprimait en phrases familières émaillées de barbarisme et de solécisme. Mais il n'y avait rien à reprendre dans les quelques mots qu'il m'avait personnellement adressés. Cette découverte me réconforta au point que, rencontrant peu après Lou Larsen, qui était seul à arpenter l'arrière du fantôme, je me risquai à l'entretenir de l'argent qui m'avait été subtilisé. « On m'a volé, » lui dis-je. « Capitaine, » corrigea-t-il d'une voix ferme, sinon dure. Je répétai. « On m'a volé, capitaine. »« Comment ça vous est-il arrivé ?» Je lui racontai les choses telles qu'elles s'étaient passées. Je lui dis que mes vêtements étaient restés asséchés à la cuisine et comment, après m'être aperçu du vol, j'avais failli être frappé par le coq. Lou Larsen sourit à mon récit. « Ce sont les petits profits du cuisinier, » dit-il. « Ça n'est pas payé trop cher, la nouvelle existence qui est la vôtre, non ? D'ailleurs, ce sera pour vous une leçon. Elle vous apprendra à veiller sur votre argent. Jusqu'ici, je suppose, c'était votre notaire ou votre homme d'affaires qui s'en chargeait. » Je sentais sous la modération de ces paroles une ironie gouailleuse. J'insistai néanmoins et demandai. « Comment puis-je rentrer en possession de ce qui m'appartient ?»« Ça vous regarde. Vous voulez un bon conseil. Quand vous posséderez un dollar, veillez jalousement sur lui. Celui qui laisse traîner son argent mérite qu'il lui soit pris. Vous êtes d'ailleurs doublement dans votre tort. Vous avez tenté le cuistot, c'est mal. Par votre faute, il a succombé à la tentation et mis en péril son ami mortel. À propos, vous y croyez, vous, à l'immortalité de l'âme ? Il laissa tomber ces mots d'une voix nonchalante. Il me sembla que cette âme close s'entr'ouvrait soudain devant moi. Mais ce n'était qu'une illusion. Personne, j'en suis convaincu, n'a jamais pu lire un peu profondément dans l'âme énigmatique de Lou Larsen. C'était une âme solitaire, qui ne laissait jamais tomber complètement son masque. À peine par moment s'amusait-elle à le soulever un peu. « L'immortalité, » répondis-je, « je la lis dans vos yeux. » Étant donné le tour intime que prenait la conversation, j'avais négligé volontairement, cette fois, le fatidique capitaine. Effectivement, Lou Larsen ne releva pas mon omission. Il reprit. « Vous lisez la vie dans mes yeux. Mais rien ne prouve que cette vie soit immortelle. À mon sens, tout le prouve au contraire. Ma pensée va plus loin que cette vie. » Il détourna la tête et promena son regard sur la mer, qui était morne et désolée. Une vague tristesse se refléta dans ses prunelles, son front devint grave et ses lèvres se durcirent. Puis brusquement, revenant vers moi. « Vous prétendez alors que je suis immortel ? Et pourquoi le serais-je ? À quelle fin ?» Répondre à cette question, comme il le convenait, était assez embarrassant. Comment lui expliquer que cette conviction de l'immortalité de l'âme était en moi une intuition intime, inexprimable ? Quelque chose comme ces douces musiques que nous entendons parfois dans notre sommeil et dont le rythme s'évanouit dès que nous tentons de le fixer en rouvrant les yeux. « Alors la vie pour vous, qu'est-ce que c'est ? » demandai-je à mon tour. « La vie ? » s'exclama Lou Larsen. « Je pense que c'est une chose plutôt répugnante. C'est une levure qui bout, une fermentation qui dure. Selon les cas, une heure, un jour, une année, un siècle parfois, puis qui s'arrête. Durant ce temps, les gros pour se nourrir mangent les petits, les forts pour conserver leur force dévorent les faibles. Ceux qui ont plus de chance sont plus gros que les autres et vivent plus longtemps. Un point c'est tout. Qu'en pensez-vous ? Il me montra de la main un groupe de matelots occupés un peu plus loin à une manœuvre. L'homme s'agite, s'agite sans cesse. C'est la loi. Il s'agite pour gagner son pain et pour pouvoir continuer à s'agiter. C'est un cercle vicieux. Un beau jour, il s'arrête. C'est la fin. Il est mort. « Il a des rêves, » interrompis-je. « des rêves étincelants et radieux, des rêves du ventre, et d'autres aussi. Des rêves du ventre, c'est tout, il n'y en a pas d'autres, tout se ramène à ça. Tous, tant que nous sommes, nous rêvons de trouver la fortune sur notre route, d'effectuer d'heureux voyages, de réussir dans nos entreprises qui mettront plus d'argent dans notre poche. Nous rêvons d'exploiter plus parfaitement nos semblables, de passer des nuits moelleuses, pendant que d'autres se chargent pour nous des plus ignobles besognes. Voilà ce que nous sommes, vous et moi. La seule différence est que j'ai gagné en trimant dur le bien-être dont je profite aujourd'hui. Tandis que vous, qui vous a gagné le lit douillet où vous dormiez, les vêtements élégants que vous aviez sur le dos, les bons repas auxquels vous vous délectiez? Pas vous, bien sûr. Vous n'avez jamais rien acquis à la sueur de votre front. Vous ressemblez à ces frégates qui font à plein vol sur les bobises pour leur chiper les poissons qu'ils ont pris à 100 repas être à leur place. Vous mangez, vous aussi, la nourriture produite par d'autres hommes qui ne demanderaient pas mieux que de la consommer eux-mêmes. Je protestais. Ça n'a rien à voir avec l'immortalité de l'âme. Il continua rapidement, les yeux s'étincelant. La vie, je le répète, est quelque chose de répugnant. Et c'est cette saleté que vous voudriez éternelle. Pourquoi? Dans quelle intention avouable? Votre vie a abordé la mienne par accident. Et vous n'avez qu'une idée, c'est de me fausser compagnie, pour recommencer à vivre comme un pourceau. Mais c'est ma volonté de vous garder avec moi sur ce bateau. Je prétends faire quelqu'un de vous, ou vous briser. Je pourrais à l'instant même vous tuer d'un coup de poing. Car vous n'êtes qu'un minable aborton, avec votre ami mortel. Êtes-vous seulement capable de me dire pourquoi je vous garde ici? Parce que vous êtes le plus fort. Et pourquoi suis-je le plus fort? Parce que je suis un plus gros morceau de ferment que vous. À des degrés divers, la vie est en nous. Elle s'agite et rêve de s'agiter éternellement. Voilà pourquoi, et sans autre raison valable, nous prétendons être immortels. Là-dessus, Lou Larsen me tourna les talons et s'éloigna. Je le vis bientôt s'arrêter, se retourner vers moi et m'appeler. « À propos, » me demanda-t-il, « quelle somme le cuistot vous a-t-il volé ?»« 185 $, capitaine. » Il hocha la tête, et pendant que je redescendais à l'intérieur du navire, afin de préparer la table pour le déjeuner de midi, je l'entendis qui abreuvait d'injures sonores le groupe de matelots qui manœuvrait.